Arnaud de Mareuil, Arnaud de Meruel. Belle messe quand nous vins Malena. Belle messe quand nous vins Malena en abril, en ce qui entremais, et toute la nuit serena chante le roussignol del jais, que exausel en son langage per la fraîcheur del maïti, va menant joy d'agradage cum quex ap sa part saisi. Et puis toute cresterena s'allègre quand fuit la nais, nous puisse mudar nous souvena d'un amour per qui eu sujais. Per nature et per usage, me ve que vas joy macli l'ai, quand fai le dos saurage, que me révèle le corps aïsi. Plus blanca est que Elena, belle azur que flur que nais, et de courtesia plena, blancas dents ap muts verais, ap cor franc ses vilanage, clou fresca ap saura cri. Dieus, quel det le seigneurage la salle, quand gen sur nous vit. Mer se fara si nous mena dai sienan per long plais, et d'un men un bais d'estrena, et segun servici mais. Et puis, fare un breu viage, souvendet et breu cami, quel si est bel score d'allégrage, mais à mes en est trahi.